Oui, non, non, pouce 30, effectivement, je suis là. Pouce 30. Et t'as quoi ça? Ah, tu ne peux pas rater un événement comme ça. C'est un événement grandiose dans la ville. Tu vois un peu. Alors, j'invite tout le monde. Franchement, le gouverneur, les ministres, les généraux, les pasteurs, les chantres. Je pense qu'allons communiquer. Hein, allons communier avec l'Esprit du Seigneur. Et on va voir ce qu'il va se faire. Moi, je serai là. Je t'invite aussi d'être là. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.